Une chaussée rendue glissante par le verglas, la neige ou la pluie a pour effet d'augmenter la distance de freinage. Un pneu sur une chaussée sèche adhère mieux. Charger une voiture modifie son comportement routier. Plus elle est alourdie, plus la distance de freinage est grande et les accélérations moins bonnes. Il convient alors d'augmenter les distances de sécurité et d'anticiper toute manœuvre. La charge perturbe aussi la tenue de route de la voiture dans les virages. Plus on roule vite, et plus la distance de freinage est longue, à 50 km/h, elle est de 12 mètres environ, et à 100 km/h, de 48 mètres environ. On constate que lorsque la vitesse est multipliée par 2, la distance de freinage est multipliée par 4. Le temps de réaction n'a rien à voir avec le véhicule, seulement avec la forme du conducteur. Réponse A, B et C.